Bon, je vais commencer, hein, même si les derniers sont en train de s'installer. On m'a juste d'abord un petit mot par rapport à la présentation qui a été faite. Donc, merci beaucoup aux étudiants d'Alta. Je pense que c'est vraiment très utile d'avoir organisé ce cycle et je les remercie vraiment d'avoir pensé à moi. Mais en fait, je ne suis pas là en tant que prof de philosophie, pas du tout. C'est-à-dire, c'est vraiment pas à l'université et encore moins en philosophie que j'ai pu entendre parler de l'anarchisme. Hein, c'est parce que moi, je suis une militante anarchiste bien avant d'avoir découvert la philosophie et l'université. Et donc, enfin, pas l'université quand même. Je fais depuis 25 ans partie de groupes militants anarchistes et notamment je collabore maintenant à cette revue qui s'appelle Réfraction, hein, dont le dernier titre est « À la recherche d'un sujet révolutionnaire ». Donc on est en plein dans la question. Et donc c'est à ce titre-là que je suis là. Je pense que la philosophie c'est complémentaire mais c'est pas du tout la même chose. Je veux dire la réflexion politique c'est autre chose que de la philosophie. Et alors, je voudrais d'abord vous présenter quelques fondateurs de l'anarchisme, pas du tout pour faire du culte de la personnalité, ce qui est vraiment quelque chose qu'on évite, et en précisant aussi, bien sûr, qu'il y en a bien d'autres, qu'il y a bien d'autres noms et bien d'autres anonymes qui ont participé à cette lutte, mais que, ici, ça donne en même temps des renseignements bibliographiques qui permettent d'aller en découvrir plus. Donc, d'ailleurs, il y a une table de presse à l'extérieur, là, qui permet, qui peut peut-être vous permettre de tout de suite en savoir plus. Donc, vous allez voir que c'est leur contribution au mouvement est différente selon les personnes. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus des activistes et d'autres un petit peu plus des théoriciens, mais ceux-là sont plutôt minoritaires. En général, on a des activistes, de telle sorte que leurs écrits sont plutôt des écrits ponctuels dans une situation donnée et des écrits militants. C'est-à-dire qu'ils écrivent dans un journal, ils écrivent des tracts, ils parlent à une tribune, pour prendre position sur un moment, une situation, un événement donné. Et ils font assez peu d'écrits globaux, généraux. Mais il y en a quand même quelques-uns, donc ça vaut la peine de les signaler. Alors, Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, il a écrit plusieurs bouquins, je n'en ai repris que quatre titres. Désolée si c'est un peu petit, mais bon, on pourra peut-être passer devant après. C'est sans doute le plus théoricien, justement, parmi les fondateurs de l'anarchisme. Et c'est aussi celui qui s'est réclamé le premier du mot « anarchiste ». Et il l'a fait de manière un peu provocatrice en disant qu'il fallait remonter à l'étymologie du terme. C'est-à-dire que déjà à l'époque, et c'est encore un cas une raison de confusion à l'heure actuelle, déjà à l'époque, l'usage courant du terme, c'était l'anarchie, c'est le désordre, c'est le chaos. Et il a dit, mais justement pas, si vous allez voir l'étymologie du terme, ça veut dire la négation de quoi arché, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement. Et donc comme dans monarchie, oligarchie, etc. Et donc il se revendiquait de l'absence de gouvernement. Et c'est ce qui a été fondateur du mouvement anarchiste à l'intérieur du mouvement ouvrier révolutionnaire. C'était celui qui ne voulait pas remplacer un gouvernement par un autre, quel qu'il soit. Donc ça, ça leur est absolument propre et ça les a opposés aux marxistes, justement. Michel Bakounine, lui, est connu plutôt comme vraiment un militant. C'était quelqu'un qui était dans toutes les révolutions d'Europe. Partout où il y en avait une, il y allait, il accourait, il essayait d'aider et d'orienter dans un sens, lui aussi, anarchiste. Même si souvent, il s'est dit plutôt socialiste révolutionnaire qu'anarchiste. Mais à l'époque, socialiste ne signifiait pas la même chose que maintenant. À un certain moment, il y a une division de multiples courants du socialisme. Mais en tant que révolutionnaire, bon, tout de même, son projet était assez clair. Et il a écrit notamment sur la Commune de Paris. Donc, Commune de Paris, 1871, c'est un moment très important parce que c'est un moment où on a une auto-organisation du peuple de Paris et une revendication justement de la Commune comme le lieu qui doit être le lieu de la décision politique. C'est-à-dire un endroit assez restreint pour que tout le monde puisse participer, et que les décisions se prennent localement et non pas à un niveau trop ample, trop centralisé pour qu'il y ait une véritable participation. Et donc, en ce sens, la Commune de Paris a été une première réalisation de type anarchiste, même si on est très loin du fait que tous ces participants aient été anarchistes. Mais c'est une première réalisation qui va dans ce sens. Donc, elle a été saluée par Bakounine et elle a été saluée aussi par Marx, étrangement, je reviendrai sur l'étrangement après. Et alors, Bakounine écrit aussi « Dieu et l'État », qui est un document extrêmement virulent contre la religion. Il est très, très, très virulent contre la religion parce qu'il estime que n'importe quelle religion, quelle qu'elle soit, est vraiment une négation de la liberté humaine, une négation de la pensée. Et donc, il montre les aberrations, mais de manière très argumentée, aussi historiquement, toutes les aberrations auxquelles conduisent n'importe quelle religion. Et il lie, en fait, la religion à l'État comme deux moyens oppressifs par excellence. Bon, c'est lui qui, dans la Première Internationale, va le plus s'opposer à Marx. Je vais revenir sur cette histoire de la Première Internationale pour qu'on voit les différents courants en présence dans les forces révolutionnaires du XIXe siècle. Alors, Louise Michel, elle est assez connue, c'est une figure très attachante, en fait, qui a participé à la Commune de Paris, et elle était institutrice, et elle a été déportée, donc après la Commune, elle s'est retrouvée en Nouvelle-Calédonie, où en fait, elle s'est liée d'amitié avec les Kanaks, et elle s'est mise à faire de l'instruction politique auprès des Kanaks, enfin, elle se lie avec tout le monde. Bon, revenue à Paris, elle a recommencé à faire de la propagande anarchiste, en fait, elle participait à des tas de périodiques, etc. Et on l'appelait la bonne Louise, tellement, bon voilà, on sentait qu'elle faisait ça par générosité. Enfin, c'était quelqu'un d'assez, de qualité humaine assez extraordinaire. D'ailleurs, pas mal d'entre eux, il faut le dire. Alors, Élisée Reclus, son contemporain. Alors, on le connaît bien à l'ULB, enfin, on l'a un peu oublié, mais on pourrait le connaître, parce qu'il a été professeur de géographie ici à l'ULB, vers 1894, par là. Et donc, il avait écrit une géographie universelle qui est un monument en géographie, reconnu encore par les géographes d'aujourd'hui comme particulièrement progressiste quant à l'intégration de tous les éléments dans une étude d'une certaine région, éléments naturels, éléments humains, etc. Mais à côté de ce travail scientifique qu'il a mené toute sa vie, il a mené aussi pendant toute sa vie donc un travail militant. Et il a écrit notamment un bouquin très très intéressant sur l'évolution, la révolution et l'idéal anarchiste, où en fait il donne des renseignements sur la révolution qui la lie à l'évolution, c'est-à-dire il dit évolution et révolution, ce sont deux moments d'un même processus et il ne faut pas avoir peur de la révolution ou la dénigrer et croire que tout peut venir simplement par évolution. Il dit que justement l'un doit s'enchaîner à l'autre et que dans toute l'histoire, si on observe encore une fois, il fait vraiment une enquête historique poussée, il dit que si on observe l'histoire, on voit bien qu'il y a des périodes d'évolution, c'est-à-dire de changement lent, progressif, et puis des périodes de rupture violente qui sont nécessaires, qui sont parfois l'effet d'un basculement dû au changement progressif ou qui sont parfois l'effet d'autre chose. Il parle notamment de la volonté de libération. Et il dit aussi que toute évolution n'est pas nécessairement bonne, il y en a qui sont rétrogrades, et toute révolution n'est pas nécessairement ni bonne ni mauvaise non plus, tout dépend comment elle se passe. Donc il y a une description des moyens pour changer la société. Alors Pierre Kropotkine, c'est aussi une figure assez connue de l'anarchisme, parce que donc c'était un prince russe qui a renoncé aux privilèges de sa classe et de sa famille pour... pour lui aussi avoir une action militante révolutionnaire, et lui aussi a dû s'exiler, il a parcouru différents pays, il a fini sa vie à Londres, après avoir passé pas mal de temps là, parce que l'Angleterre était à cette époque assez bien un refuge pour tous les condamnés politiques et exilés de partout. Et Marx aussi d'ailleurs a vécu longtemps à Londres pour la même raison. Et Kropotkine était aussi un scientifique, il était à la fois géologue, géographe, naturaliste. Donc, il a écrit notamment l'entraide qui est pas mal, enfin, qui vient d'être réédité et auquel les biologistes commencent à s'intéresser parce que c'est un complément en fait à l'œuvre de Darwin. C'est-à-dire que sans vouloir du tout s'opposer à Darwin, ils étaient parfaitement darwinistes, les anarchistes, mais ils disaient que Kropotkine avait dit que Darwin avait quand même négligé un facteur important de la survie des espèces, qui était la solidarité ou l'entraide. C'est-à-dire qu'on voit bien que des tas d'espèces ne survivent que parce qu'elles s'entraident. Et il dit, c'est pareil pour les humains. Et alors, très curieusement, c'est une tendance fréquente chez les scientifiques. Du coup, il avait envie de fonder justement l'anarchisme sur la science, c'est-à-dire montrer que le désir de liberté, le désir de solidarité, le désir d'égalité, en fait, avait un fond biologique. Et que c'est donc pour des raisons de sélection biologique qu'il y avait des gens qui essayaient de pousser vers la solidarité. Ce qui, ça a suscité pas mal de débats, et on a refait, dans Réfraction notamment, une étude sur l'entraide, un trade facteur de révolution. Mais surtout, il y a eu beaucoup de réflexions sur cette position de Kropotkin, et c'est un débat toujours intéressant quant à savoir, est-ce qu'on doit estimer que les choix moraux, en fait, reposent sur quelque chose de naturel, comme d'ailleurs le fait le capitalisme, puisqu'il dit que son système est basé sur une tendance naturelle à la compétition, hein. Et donc, est-ce qu'on doit prendre le contre-pied et dire, non, en fait, ce qui est naturel, ce n'est pas la compétition, c'est l'entraide? Ou est-ce qu'on doit dire, non, c'est la liberté et la volonté qui feront que l'histoire évoluera dans un sens ou dans l'autre, et ce n'est pas une fatalité due à notre biologie ou due à l'histoire, hein, puisqu'il y a aussi, effectivement, comme l'a dit mon collègue, toute la théorie du déterminisme historique chez les marxistes. Et donc, en fait, à cette position très scientiste, en fait, Enrico Malatesta, qui est un militant italien, a répondu justement en écrivant « Nécessité et liberté », où justement il s'oppose complètement à ce déterminisme biologique, hein, qui remplace un déterminisme historique. Les deux, pour lui, sont tout aussi non valides, et il remplace par la liberté et la volonté. Malatesta, c'est vraiment un militant pour la volonté. Et quand vous connaissez peut-être le mot de Gramsci qui disait « Il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté », ça aurait pu être un mot de Malatesta. Hein. Le pessimisme de l'intelligence, parce que si vous regardez dans quelle situation on est, eh bien, rien n'encourage à l'optimisme. Mais l'optimisme de la volonté, c'est de dire on est tellement volontaire, on a tellement le désir de changement qu'on va y arriver quand même. Donc, c'est un débat qui a eu lieu et... je crois qu'il est toujours contemporain. Malatesta a fini ses jours sous le fascisme, en résidence surveillée, obligé d'être exilé dans son propre pays par le fascisme. Il avait déjà vécu en exil une bonne partie de ses jours. Il faut dire que tous ses militants ont passé un bon nombre d'années ou bien en exil ou bien en prison. Beaucoup ont passé. Mais à l'époque, en prison, on pouvait apprendre beaucoup de choses. Et donc, parfois, ils étaient contents d'aller se reposer, lire un peu en prison. Après, ils reprenaient la lutte. Et alors, finalement, Emma Goldman et Alexandre Berkman, ce sont deux émigrés russes, juifs, qui fuient les pogroms, en fait. Hein. Il y a eu énormément de familles juives qui ont fui les pogroms dans la Russie tsariste. Et donc, ils sont arrivés aux États-Unis très jeunes. Ils se sont rencontrés dans le mouvement anarchiste de New York et ils se sont mis à militer ensemble. Et donc, on a un témoignage extraordinairement vivant de ces années aux États-Unis, du militantisme aux États-Unis, par Emma Goldman, donc, qui a écrit « L'épopée d'une anarchiste ». C'est facile à trouver et c'est passionnant. Vous le commencez, vous ne pouvez pas vous arrêter avant d'avoir fini. C'est vraiment passionnant et vous êtes au cœur vraiment de la révolte ouvrière aux États-Unis, bon, qui a duré quand même des dizaines d'années. Et donc, je vais revenir sur les différents courants, les différents événements. Et Alexandre Berkman, lui, il a commencé tout jeune par passer 14 ans en prison parce qu'il a fait feu sur un gérant d'usine qui opprimait de manière éhontée ses ouvriers. Et il en est ressorti assez brisé, mais bon, on s'est relancé dans la lutte. Et tous les deux, alors, apportent un témoignage intéressant aussi sur le rôle des anarchistes dans les révolutions russes de 1917. Parce que ça, au début, ils étaient extrêmement enthousiastes. En 17, quand il y a eu l'annonce de la révolution, ils étaient pleins d'enthousiasme. Ils voulaient y aller. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient d'origine russe aussi. Ils voulaient absolument aller voir, aller appuyer cette révolution, aller y participer. Bon, ils n'ont pas pu y aller tout de suite parce qu'ils ont passé d'abord 2 ans en prison. Ça coïncidait juste avec une nouvelle condamnation. Condamnation d'ailleurs pour pacifisme, hein, parce que 1917, c'est le moment aussi où les États-Unis se lancent dans la guerre 14-18. Il y a une conscription obligatoire et ils protestent, eux, contre la conscription obligatoire. Plein d'autres gens, d'ailleurs, l'ont fait. Et il y a eu énormément d'arrestations pour cette raison et de condamnations lourdes, hein, contre les pacifistes. Donc, eux ont été condamnés pour 2 ans à partir de 17. Donc, c'est seulement en 19 qu'ils se rendent en Union soviétique, donc dans la toute jeune Union soviétique, et prêts pour se mettre à son service, quoi, hein. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais parce que, en fait, il ne faut pas oublier que c'est une révolution soviétique. C'est-à-dire que les soviets, c'est quoi ? Ça veut dire conseil. C'était une révolution, en principe, des conseils. Et il y avait des soviets depuis une bonne dizaine d'années, une douzaine d'années, dont certains étaient fondés par des anarchistes. Il y avait beaucoup d'anarchistes en Russie à cette époque. Et donc, L'idée, c'était, comme après dans le conseillisme, par exemple, de Rosa Luxembourg, que des conseils locaux de production ou de territoire prenaient toutes les décisions en commun et puis qu'on remontait à un conseil un peu plus régional, puis à un conseil encore un peu plus régional, et que de cette manière-là, en fait, toutes les décisions allaient du bas vers le haut et non du haut vers le bas. Donc au départ, et d'ailleurs dans la constitution de l'URSS, c'est encore comme ça, ce qui est extraordinaire parce que ça n'a jamais fonctionné comme ça. Dès 17, en fait, les soviets ont été complètement cadenassés par le parti bolchevique, et, ou bien interdits, les gens arrêtés, et s'ils protestaient, fuyaient. Donc Goldman et Bergman vont se rendre compte de ça progressivement, et aller de désillusion en désillusion, et même d'horreur en horreur. Et puis finalement, la goutte, si on peut dire, l'océan qui va te faire déborder le vase, c'est l'affaire de Kronstadt. L'affaire de Kronstadt, il faut quand même savoir que ça a été une des pires, si on peut dire, un des pires massacres de l'armée rouge, puisque les marins de... Bon, Kronstadt, c'est quoi? C'est une forteresse qui sert de base navale, un petit peu au large de Saint-Pétersbourg. Et les marins de Kronstadt ont toujours été extraordinairement héroïques chaque fois qu'il y a eu des révoltes populaires. Ça a commencé au début du 19e siècle, et en 1905 encore, quand il y a eu une grosse révolte qui a préfiguré la révolution de 17, en fait, ils étaient aux premières lignes, ils ont toujours été aux premières lignes. Bon, c'était des révolutionnaires extraordinaires. Mais là, il y a une révolte parce que, il faut dire que, comment ça s'est installé la révolution, tout a été du jour au lendemain nationalisé, c'est-à-dire confisqué par le parti. Plus rien ne pouvait être auto-organisé par les collectivités, alors qu'elles avaient vraiment cru qu'elles pouvaient commencer à s'auto-organiser et que c'était ça que permettait la révolution. C'était absolument interdit. Les gens crevaient de faim d'une manière extraordinaire parce que des tas de fabriques ne fonctionnaient pas. Il n'y avait personne pour les faire fonctionner. Et tout ce qui était produit par l'agriculture était réquisitionné et redistribué par le parti avec des inégalités épouvantables. Donc en fait, on avait un peuple plus misérable qu'il n'avait jamais été. Donc il y a une révolte à Kronstadt pour cette raison. Et les marins sont accusés d'être contre-révolutionnaires parce qu'ils soutiennent cette insurrection. Insurrection de la faim, déjà. Alors l'armée rouge vient les écraser. Goldman et Bergman, ça c'est vraiment... Alors là, ils ne peuvent plus supporter. Et donc, ils prétextent d'être invités à un congrès à Berlin pour s'enfuir, en fait. Et donc, ils écrivent contre. Hein, donc, Bergman écrit notamment le mythe bolchevique, qui est vraiment pour dénoncer comment, en fait, il y a une tromperie internationale à propos de ce qu'a réalisé la Révolution. Bon, voilà. Donc là, je les ai simplement présentés. Après la guerre 1945, on a encore, bien sûr, des mouvements anarchistes. On a encore, bien sûr, des personnes qui écrivent des livres, qui développent l'idée. Mais, en fait, il faut bien dire que les deux guerres mondiales du XXe siècle ont porté un très dur coup à l'anarchisme. La première, parce que les anarchistes ont été globalement pacifistes jusqu'au dernier moment et ont été les seuls à tenir jusqu'au dernier moment leur pacifisme. Et ils ont été très affaiblis parce qu'ils étaient lâchés par tout le monde. Alors, selon les pays... Entre deux guerres, il y a encore eu un mouvement très fort. Et là, je vous parlerai tout à l'heure de la guerre d'Espagne, parce que donc en 1936, on a pas seulement la guerre civile en Espagne, c'est-à-dire la lutte entre les républicains et le fascisme de Franco, on a aussi une véritable révolution collectiviste, dont c'est important de parler. Donc là, en Espagne, l'anarchisme reste très très fort, mais à la Seconde Guerre mondiale, là, il y a vraiment une multitude de facteurs qui font que les mouvements anarchistes s'affaiblissent. Alors, un facteur important, c'est que la résistance a été beaucoup organisée par le Parti communiste, et le Parti communiste en est sorti très fort. Bon, en Espagne, évidemment, c'est le franquisme qui a fait arrêter complètement. Tout est interdit, les gens sont emprisonnés, tués, ils doivent s'exiler, les survivants s'exilent. Et il y a aussi eu le fait que, progressivement, la social-démocratie l'a emporté. Après la guerre, la social-démocratie prend énormément de mesures sociales. Entre les deux guerres, on a vu augmenter la sécurité sociale, les protections progressives en cas de maladie, etc. Et tout ce système est vraiment complet au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'économie est croissante parce qu'on se relève et donc on produit à tout craint. Et de ce moment, en fait, le mouvement ouvrier faiblit parce qu'en fait, il ne se rend plus compte que, au-delà d'un certain confort matériel croissant, en fait, il a perdu une bagarre qui est celle pour son autonomie. L'autonomie politique, il l'a complètement perdue, l'autonomie économique aussi, mais en compensation, il a des tas de garanties matérielles. Et avant de se rendre compte qu'il a été qu'il est aliéné par ces garanties matérielles, ben il faut longtemps. C'est encore loin d'être fait. C'est sans doute un des combats de maintenant, c'est de se dire, ok, le pain et puis quoi? Est-ce que c'est tout ce qu'on désire vraiment? Bon, donc maintenant je vais passer à édicter peut-être les trois grands principes ou ce qu'on peut vraiment réunir sous trois grands principes de l'anarchisme et puis les reprendre un par un en montrant comment ils se sont développés au cours de l'histoire. Premier grand principe, vraiment pilier de l'anarchisme, c'est suppression de l'État, suppression de la propriété privée des moyens de production. Des moyens de production seulement, hein, pas toute propriété privée. Deuxième grand principe, c'est libre association et fédéralisme. Donc j'ai déjà parlé d'une certaine fédération de conseils. Bon, l'idée est là. Donc libre association, soit dans des petites entités de production, soit dans des petites entités territoriales où la démocratie est directe, hein, ou même on parle même plus de démocratie parce qu'on a dépassé ce stade, et où la prise de décision est directe et concerne toutes les personnes qui habitent là ou qui produisent là. Troisième chose, la fin ne justifie pas les moyens. Alors ça, c'est super important. La fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire qu'on ne veut pas utiliser des moyens corrompus, violents. La violence, on peut en discuter parce qu'évidemment, à un certain moment, elle est nécessaire. Mais on ne va pas utiliser les moyens qui sont ceux de nos ennemis pour les combattre. Si on utilise ces moyens-là, en fait, on va se trouver corrompu par ces moyens. Par ces moyens. Et donc, la fin, on ne va pas y arriver. Et c'est un argument très important contre le stade intermédiaire dont a parlé mon collègue, que défendaient les marxistes. Stade intermédiaire, c'est-à-dire dictature du prolétariat, pour arriver dans un futur lointain à la société sans classe et sans État. Les anarchistes disent, si on passe par cette dictature du prolétariat, c'est évident qu'on va y rester. On ne va pas la dépasser, jamais. Donc les moyens doivent être adaptés à la fin. Et par conséquent, les anarchistes insistent sur, dès maintenant, immédiatement, essayer de faire disparaître toutes les structures de domination qui existent à tous les niveaux. Ce qui fait que leur combat n'est pas seulement économique, très loin de là, ni seulement politique à un niveau global, c'est un combat contre tous les types de pouvoirs, micro-pouvoirs. Ils n'ont pas attendu Foucault pour savoir qu'il y avait des micro-pouvoirs. Et notamment, ils sont vraiment des pionniers en matière de combat contre le patriarcat et combat pour une autre relation avec les enfants. Donc, ils ont développé, dès la fin du 19e siècle, des pédagogies extrêmement avancées. Alors, pas seulement des pédagogies avancées sur le thème de la transmission des savoirs, comme de Crowley, etc., comme Montessori, mais surtout des manières de relation avec les enfants qui développent leur goût de la liberté et qui développent leur capacité à prendre des décisions collectives. C'est-à-dire qu'une école libertaire, à quoi elle se reconnaît? C'est pas parce qu'on a une pédagogie du projet ou quoi que ce soit, parce que ça existe en Freinet aussi, par exemple. C'est parce qu'il y a des assemblées où participe tout le monde, les élèves, les enseignants, tout le monde, et où tout le monde décide ensemble de ce qui les concerne, y compris les questions les plus importantes de pédagogie. Donc ça, c'est une école libertaire. Et donc, il y a eu toute une série d'expériences qui se sont développées parce qu'ils étaient vraiment extrêmement attentifs à ça, pour des raisons aussi... Pour cette raison aussi que pour eux, tout devait passer par l'éducation. C'est-à-dire que comme ils ne voulaient pas de moyens autoritaires et violents, nécessairement, comment faire changer les choses? Il faut les faire changer d'abord par l'éducation. Et l'éducation, c'était immédiatement mettre les enfants dans des situations où, effectivement, ils prennent les choses en main. Ils sont obligés d'échanger, de prendre des décisions collectives, c'est-à-dire d'écouter les autres, de respecter la parole des autres, argumenter, défendre leur propre opinion, etc., etc. Et c'est seulement par cette habitude prise depuis l'enfance qu'on pourrait y arriver à une citoyenneté, mais alors qui n'a rien à voir avec la citoyenneté de l'Ancien Régime, de la citoyenneté de la République, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait actif. Donc, pionnier dans l'éducation et pionnier alors dans les droits de la femme. Notamment Emma Goldman a été une très grande défenseuse de la contraception, de l'avortement et du contrôle des naissances et de l'égalité totale des femmes dans tous les domaines. Alors, c'est à l'époque, on était condamné quand on faisait la publicité pour la contraception. On était condamné. Hein, elle a été en prison pour ça. Donc, mais comme elle avait en fait une formation de sage-femme, elle avait vu dans quel état de misère épouvantable se trouvaient les femmes qui avaient des grossesses à répétition, qui n'en pouvaient plus physiquement et qui ne pouvaient plus nourrir leurs enfants. Donc elle a vu quelle misère ça apportait. Et c'est pour ça que, curieusement, les anarchistes ont repris un peu le malthusianisme, mais seulement sous cet aspect-là. C'est-à-dire Malthus, donc c'était un théoricien ultra-libéral qui en fait estimait que, puisqu'il n'y avait pas assez de bien pour tout le monde, hein, la fameuse rareté qu'on utilise comme on veut à chaque fois qu'on veut empêcher le peuple de faire quelque chose. Et donc, il n'y avait pas assez de bien pour tout le monde, et donc, il n'y avait pas de place pour tout le monde au banquet de la vie, selon son expression. Par conséquent, il fallait sacrifier tous les pauvres. Voilà, c'était une sorte de, d'harmonisme social. Hein. Tous ceux qui sont trop faibles pour être dans la grande compétition, eh bien, tant pis pour eux. Et on disait aussi qu'il fallait, du coup, réguler la naissance des pauvres, essayer qu'ils arrêtent de se reproduire. Mais en fait, donc, les anarchistes ont repris ça, mais dans l'autre sens. Donc d'une part, ils ont dit, oui, on va appliquer le contrôle des naissances, mais pas du tout pour diminuer notre nombre, mais au contraire, pour grandir en force, parce qu'on va être enfin délivré de toutes ces, de toutes ces servitudes et cette misère due à ça. Et d'autre part, les anarchistes ont combattu tout à fait l'idée de Malthus selon laquelle il n'y avait pas assez pour tout le monde. Et Kropotkine, notamment, a écrit des œuvres vraiment très importantes pour montrer comment on pourrait produire suffisamment pour tout le monde sur Terre, étant donné la démographie, l'augmentation démographique, et en tenant compte de des moyens techniques qui peuvent aider à augmenter la production. Il l'a fait pour l'agriculture, il l'a fait pour l'industrie. Il a vraiment proposé toute une amélioration pour pouvoir justement contester Malthus et dire non, il y a assez pour tout le monde, on n'est pas dans le règne de la rareté. Hein. Si on voulait, on pourrait avoir non pas l'abondance, c'est-à-dire une espèce de fantasmatique tas de consommation, mais en tout cas suffisamment pour chacun, pour nourrir chacun. Donc, dénonciation des pouvoirs, des micro-pouvoirs dans la famille, dans chaque type d'organisation ou d'activité partielle, aussi bien que dans la globalité. Bon, sur ce point, je ne reviendrai pas trop, sauf si vous le désirez après dans le débat, mais je vais passer, peut-être m'apesantir plus sur les deux premiers points, sur les deux premiers principes. Alors, donc, les anarchistes considèrent que l'État est de toute façon quelque chose d'oppresseur, un appareil oppresseur. Et quand on parle d'État, qu'est-ce qu'on veut dire? On parle d'un pouvoir politique qui est séparé du corps social. C'est-à-dire que ce n'est pas le corps social entier qui a la décision sur les mesures à prendre pour la vie collective, mais c'est un corps qui est séparé. Alors, peu importe qu'il soit élu ou pas, en fin de compte, ça revient au même. Il y a de toute façon une professionnalisation et une institutionnalisation de cette classe qui devient la classe dirigeante et qui très souvent en fait ne fait que se reproduire elle-même. Alors l'État, qu'il soit donc bourgeois ou prolétaire, de toute façon va faire subir la même oppression. Si les bourgeois, c'est-à-dire comme celui de la démocratie parlementaire, comment va se traduire l'oppression? Eh bien, cet État, par ses lois, va toujours favoriser la propriété privée des moyens de production et donc, par conséquent, les possédants. C'est parfaitement vrai. Hein. Si vous regardez les lois, vous ne pouvez absolument pas faire n'importe quoi en économie. Tout est régi par des lois très strictes et ces lois protègent la propriété privée. Un État prolétarien, un État prolétaire, comme le proposaient les marxistes, les anarchistes ont tout de suite vu que une nationalisation hein, de l'ensemble de tous les moyens de production et en plus une étatisation de toute l'activité productrice, ça serait une oppression encore bien pire que celle de l'État bourgeois qui au moins est éclatée hein, entre différents pouvoirs un petit peu antagonistes. On peut éventuellement jouer avec les antagonismes entre le privé, etc. Bon. Ici, ça serait vraiment une chape de plomb totale, c'est-à-dire bon, ben, c'est totalitarisme, quoi, c'est bien ce qui est arrivé. Donc, ce refus absolu de l'État a donc été à l'origine de dissensions dans la Première Internationale. Première Internationale des Travailleurs, elle est fondée en 1864. Et elle est loin d'être à l'origine entièrement marxiste, très loin. En fait, dans ses premiers congrès, en particulier un congrès de Bruxelles en 68 et un congrès à Bâle en 69, la tendance anti-autoritaire, c'est-à-dire anarchiste, est plutôt majoritaire. Et elle s'oppose à deux tendances. D'une part, la tendance qu'ils appellent, eux, les anarchistes, ils l'appellent communiste autoritaire, c'est-à-dire les marxistes, et la tendance mutualiste. Alors, une petite définition de ces courants, ces différents courants. En fait, on a d'abord une distinction entre les courants sur la base économique, c'est-à-dire concernant le statut de la propriété, justement. Les mutualistes, ils s'inspirent en grande partie de Proudhon. Alors, comme ça, vous verrez que même à l'intérieur de l'anarchisme, il y a quand même des courants différents. Les mutualistes, ils veulent conserver la petite propriété des moyens de production, c'est-à-dire typiquement la propriété artisanale. Un artisan doit pouvoir avoir son propre matériel pour faire pour produire son propre travail. Mais en plus, ils instaurent une solidarité et une entraide entre tous ces petits producteurs, donc sous la forme d'une mutuelle, hein, c'est l'origine de nos mutuelles en fait, qui n'est pas du tout initiative de l'État, c'est initiative au départ des travailleurs eux-mêmes pour venir en aide à celui qui momentanément ne peut pas produire. Hein, donc voilà, c'est un système d'entraide, mais avec des personnes plutôt indépendantes. Ça va très vite être minoritaire dans l'international. La plupart, en fait, veulent faire une production plutôt collective pour des raisons pas tellement idéologiques, mais plutôt d'efficacité. Ils estiment qu'on est beaucoup plus efficace quand on se met ensemble. Hein. C'est principalement pour ça. Alors, parmi donc ceux-là, il y a des collectivistes qu'on distingue des communistes. Les collectivistes, en fait, ils veulent une propriété collective des moyens de production, mais ils veulent néanmoins que les travailleurs soient rémunérés en fonction de leurs heures de travail. C'est-à-dire que celui qui veut travailler plus, gagne plus. Celui qui veut travailler moins, gagne moins. Et ils sont rémunérés, alors non pas en argent, parce qu'il y a quand même tout de même une volonté assez générale de supprimer l'argent, à cause de toute la spéculation, la thésaurisation, etc., qui l'entraîne. Mais ils sont rémunérés en bons d'achat. Et donc, dans le magasin de la coopérative hein, ou de la collectivité, ils peuvent acheter les biens de manière différente, selon ce qu'ils auront travaillé. Et le reproche qui est fait par les communistes à cette forme d'organisation, c'est qu'elle maintient la concurrence, évidemment, entre les travailleurs. Il y a une concurrence pour celui qui aura le plus de bons d'achat et donc pourra acquérir le plus de biens. Elle maintient aussi l'idée que la valeur des marchandises dépend fondamentalement des heures passées à la produire, ce qui n'est peut-être pas le pire de la détermination de la valeur. Hein, sans doute que la rareté ou la demande, c'est encore pire, c'est à discuter. Mais en tout cas, ils sont opposés à cette manière de donner une valeur aux marchandises par le travail. Et en fait aussi, les communistes en général estiment qu'il faut travailler le moins possible. Alors, c'est important cette critique du travail, parce qu'on parle toujours évidemment de l'international des travailleurs, hein, les travailleurs contre l'exploitation, etc. On a l'impression qu'ils se définissent que comme travailleurs. Mais pour les anarchistes, c'est loin d'être le cas. Ils ne se définissent pas en tant que travailleurs. Bien sûr, ils s'opposent comme tels aux profiteurs, aux exploiteurs. Mais en fait, ils estiment que le travail n'est qu'une dimension minimale dans la vie humaine. Ça doit être réduit au minimum. Moins on travaille, mieux ça vaut. Donc ce qu'il faut faire, c'est... Alors là, on peut penser à une forme de planification, mais à l'échelle très réduite. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est que chaque communauté, petite communauté territoriale, hein, je vous rappelle, la base, c'est plutôt la commune, petite extension, où chaque petite unité de production, en fait, détermine ses besoins et produit uniquement en fonction de ce qu'elle a déterminé d'abord comme ses besoins. Donc on ne produit ni plus ni moins que ce dont on a besoin. Et on fait en sorte que ses besoins soient assez frugaux, hein, de vivre de manière assez frugale pour que... On n'est pas besoin de se tuer au travail. Ils calculaient que si chacun travaillait 4 ou 5 heures par jour, c'était amplement suffisant, il ne fallait surtout pas plus. Alors, ça, c'est un débat qu'il faut reprendre parce que, d'une part, à l'époque, on ne savait pas à quel point il y avait une limite au travail des machines en raison de la pollution, en raison de la destruction de l'environnement. On ne pouvait pas être vraiment bien conscient de ça, mais on pouvait déjà être conscient de l'aliénation par la marchandise, du fait que... avoir pour motivation principale produire, consommer, avoir toujours plus de biens matériels, c'était en fait un appauvrissement terrible de la vie humaine. En fait, la vie humaine, elle, c'est pas du tout ça. Et il disait, travaillons le moins possible et tout le reste du temps, chacun pourra développer de manière la plus épanouissante possible ses qualités ou ses goûts artistiques, intellectuels, culturels. On va développer toutes ces vraies activités humaines et plus de travail. Il faut faut dire aussi qu'il y avait un élan, mais pas seulement chez les anarchistes, il y avait un élan pour la culture de la part de tous les ouvriers au XIXe siècle qui était extraordinaire. Hein. On adorait la connaissance, on voulait connaître le plus possible, on voulait se cultiver. C'est décrit notamment par Jacques Rancière dans La nuit des prolétaires. Hein, les prolétaires qui passaient leur nuit à lire des bouquins, alors que la journée, ils se tuaient au travail. Il y avait un désir de connaissance, parce que la connaissance était liée à l'émancipation. Ils pensaient vraiment que l'émancipation devait passer par la connaissance. En un sens, ils n'avaient pas tort. Hein, je veux dire, c'est sans doute pas la seule condition, mais c'est sans doute une condition. Donc, voilà, le vrai plaisir humain, c'est ça qu'il faudra développer. Et alors, la dernière tendance, donc je dis mutualisme, collectivisme, la dernière tendance dans l'international, selon l'organisation économique, c'est les communistes, qui pensent donc que les moyens de production doivent être entièrement collectifs, mais pas étatiques, hein, nécessairement. Collectif ne veut pas dire nécessairement étatique, parce que ça appartient à une certaine collectivité. Et que la distribution des fruits du travail devait se faire, la formule a été citée par mon collègue, donc de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. De chacun selon ses moyens, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en fonction de ses goûts, de ses compétences, etc., de ses capacités physiques, mais encore une fois, avec la règle, travaillons le minimum. À chacun selon ses besoins, alors ça a suscité de nouveau un débat, parce que quelqu'un comme Kropotkin, par exemple, proposait la prise au tas, c'est-à-dire que voilà, les producteurs produisent ce que peut leur moyen de production, par exemple une certaine quantité, une certaine étendue de terre peut produire autant, on produit sans trop se fatiguer, et puis on propose ça pour l'ensemble de la communauté. Enfin, en général, comme je vous disais, on avait plutôt déjà défini les besoins auparavant, mais donc une fois que la production est là, chacun se sert selon ce qu'il estime être nécessaire pour lui et sa famille, enfin, ses enfants. Et effectivement, le débat a porté sur le fait que c'était complètement utopique tant qu'on n'était pas dans un règne d'abondance. Mais Kropotkin répond que ce n'est pas du tout le cas, qu'en fait, justement, dans une société où tout fonctionne de manière commune, en fait, chacun sait très bien ce qu'il a le droit de prendre. Chacun sait très bien qu'il ne peut pas s'emparer de plus que sa part parce qu'il va défavoriser les autres. Et donc, personne ne cherchera à avoir plus que les autres. Donc, il y a tout, encore une fois, ça montre que le mouvement repose énormément sur l'éthique, beaucoup plus que sur la contrainte. Hein, tout doit passer par l'éthique. Et d'autre part, il pensait aussi que c'était la seule manière de changer les relations entre les hommes, c'est-à-dire que ces relations soient de respect, de générosité, même, bien souvent avec ces valeurs de générosité, plutôt que de contraintes, encore une fois, et de réglementation. Voilà, donc parmi maintenant ces communistes, alors il y avait des autoritaires et des anti-autoritaires, et ce qui les distinguait, cette fois, c'est plus une notion économique, c'est une notion politique, et même stratégique, c'était est-ce qu'on vise une société sans État pour tout de suite, ou bien pour un futur indéterminé auquel les anarchistes ne croyaient absolument pas, ou bien est-ce que on vise immédiatement à la suppression de toute autorité, hein, de toute domination. Et à ce propos, donc, il faut bien dire que le terme pouvoir est ambigu. Le terme pouvoir peut signifier à la fois la capacité de faire quelque chose, hein, et donc en ce sens, évidemment que tout le monde dans une collectivité anarchiste doit avoir le pouvoir de prendre des décisions politiques, économiques, autres. Mais il faut distinguer ce sens de pouvoir du sens de domination, qui est en fait un pouvoir sur d'autres. Hein, donc il y a un pouvoir de faire quelque chose et un pouvoir sur des autres. Et donc tout pouvoir sur des autres, c'est-à-dire pouvoir de décider à la place de et imposer quelque chose aux autres, est à bannir. Hein, donc c'est en ce sens que il y a une opposition au pouvoir. Alors Bakounine s'est opposé, alors il y a eu une opposition même personnelle entre Bakounine et Marx qui a été très très forte, mais c'était pas uniquement personnelle, c'était vraiment une opposition entre deux courants. Et elle a abouti, juste après la Commune, à une exclusion par la partie marxiste des anarchistes de l'international. Donc Bakounine, les représentants des fédérations suisses se sont vus exclure d'un congrès de l'Internationale. Alors, aussitôt, ils en ont organisé un autre. Une semaine plus tard, ils organisaient le congrès de l'Internationale, désormais appelé non-autoritaire. Et ce congrès d'un patelin qui s'appelle Saint-Imier, qui n'a aucun intérêt sauf celui-là. Ce congrès fonde l'Internationale non-autoritaire sur quelques résolutions que je vais vous lire. Le congrès réuni à Saint-Imier déclare, primo, que la destruction de tout pouvoir politique est le premier devoir du prolétariat. Alors ça répond en fait directement à la résolution qui avait été prise par les marxistes juste avant, qui disait que le premier devoir du prolétariat était de s'emparer du pouvoir politique. Et eux, ils disent détruire tout pouvoir politique, au sens de domination, bien sûr. En fait, la stratégie des marxistes à ce moment-là, c'était de s'emparer du pouvoir, ou bien par une révolution violente, et donc instaurer la dictature d'un parti, hein, de la vanguarde, en fait, des travailleurs, ou bien de passer par le parlementarisme, c'est-à-dire de fonder un parti des travailleurs, ce qui s'est d'ailleurs passé dans la plupart des pays européens. Il y a eu un parti ouvrier, parti socialiste, qui prétendait défendre entièrement les intérêts des travailleurs, mais à leur place. À leur place, c'est là le problème. Et secondo, que l'organisation d'un pouvoir politique soi-disant provisoire et révolutionnaire pour accélérer cette destruction ne peut être qu'une tromperie de plus et serait aussi dangereux pour le prolétariat que tous les gouvernements existants aujourd'hui. Il ne faut pas parler de prophétie, je veux dire, ce n'est pas par rapport au système totalitaire, ce n'est pas une prophétie, c'était évident dès le départ, c'était assez facile à simplement à prévoir à partir des éléments existants. Tertio, que repoussant tout compromis pour arriver à l'accomplissement de la révolution sociale, les prolétaires de tous les pays internationaux doivent établir, en dehors de toute politique bourgeoise, la solidarité de l'action révolutionnaire. En dehors de toute politique bourgeoise. Donc c'était le refus de toute collaboration à un parti parlementaire, un parti qui jouait le jeu de la démocratie parlementaire. Et les fédérations qui font partie de cette internationale sont au départ principalement espagnoles, italiennes, une partie des sections françaises, la section suisse, jurassienne, qui est très très fédéraliste, déjà, hein. Maintenant ils ont fait un autre, tout autre type de fédéralisme, il faut le dire. Et elles sont rejointes par des sections belges, anglaises et hollandaises. Avec elles, avec cette résolution et ce congrès fondateur, apparaît aussi la notion d'action directe. Notion qui a connu un devenir historique assez mouvementé et qui s'est presque retourné contre son institution première. L'action directe, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on cesse de passer par l'intermédiaire d'autres pour se libérer. Hein, on se libère directement nous-mêmes. Donc on ne passe pas par l'action parlementaire, on ne passe pas par des représentants, on fait directement les choses. Et pas seulement, alors au niveau politique, on essaye de reprendre des pouvoirs politiques, au niveau économique, on essaye de s'approprier les moyens de production. Alors les moyens développés, c'était, pour le niveau économique, la grève générale expropriatrice. Les anarchistes disaient, faire une grève partielle de tel secteur, de telle localité, c'est utile, mais ce n'est pas suffisant. C'est utile parce que ça renforce la solidarité entre les travailleurs, ça montre que par la détermination, on peut obtenir des choses, ça permet de réfléchir, de mettre en question le système, mais ce n'est pas ça qui va nous mener à la révolution. Une grève doit être générale et même, disent-ils, internationale, parce que ça ne sert à rien que ce soit dans un seul pays, il serait immédiatement attaqué par ses voisins. L'histoire l'avait déjà montré. Donc, elle doit être générale et elle doit être expropriatrice, c'est-à-dire qu'elle doit exproprier les propriétaires des moyens de production. Il faut s'emparer de l'outil. Donc ça, c'est un type d'action. Alors, un autre type d'action qui a été surtout prôné à partir d'un certain découragement, parce qu'il faut dire que la répression était terriblement féroce. Dans les années 1880, il y a une répression au moindre meeting ou grève, on tire sur la foule, hein, il y a des massacres à tout moment. Tous les anarchistes qui prennent la parole ou qui écrivent sont arrêtés, emprisonnés, envoyés au bagne, exécutés. À New York, à Chicago, par exemple, pardon, il y a en 1887 la fameuse pendaison des 5 anarchistes suite à une bombe jetée dans un meeting, dont on n'a jamais connu l'auteur d'ailleurs, et c'est ce qui a donné naissance au 1er mai. Hein, c'est l'événement qui a donné naissance au 1er mai. C'est la pendaison donc, de ces 5 anarchistes un 1er mai, qui a fait que internationalement, tous les travailleurs se sont dit, ce jour-là, hein, on ne va pas faire la fête, au contraire, on va se rappeler qu'il y a une internationale qui est là pour combattre, pour lutter contre ce système. Donc la répression est terrible. Alors il y a un certain découragement qui fait que les anarchistes, certains, se disent, on va tout de suite s'emparer de certaines communes. Et notamment en Italie, sous l'instigation de Malatesta, ça se fait assez fort. On prend des municipalités, enfin on les prend. Les habitants, en fait, on instigue les habitants à prendre eux-mêmes possession de tout ce qui les concerne et de ne plus suivre leurs autorités élues ou traditionnelles. Et ça s'appelle aussi la propagande par le fait. Et la propagande par le fait, ça c'est devenu, hein, au bout d'un certain temps, la propagande par la violence. Avec la bande à Bono, etc., on a dit que c'était ça la propagande par le fait, c'était en fait exprimer sa révolte par la violence, une violence même aveugle. Or, ce n'était pas du tout le cas. Au départ, ça voulait simplement dire qu'à côté de la propagande par l'écrit, donc la diffusion de brochures, etc., il fallait montrer dans les faits que ce système était viable, faisable, souhaitable, et qu'on pouvait le réaliser tout de suite. Donc, il fallait le montrer à petite échelle, que ça marchait. C'est ça l'idée de par le fait. Hein, et c'est aussi une idée d'action directe. Donc tout ça, à l'heure actuelle encore, est à réfléchir. Hein. Par quel type de réalisation à des échelles réduites, on peut montrer que ça marche pour donner envie de le réaliser à des échelles plus grandes. Je vais en arriver alors à la dernière réalité. Enfin, parce que pour terminer mon exposé en passant certaines choses, je vais en arriver à la plus grande réalisation anarchiste, c'est les collectivités de 1936 en Espagne. En fait, ça illustre aussi la théorie de reclus du rapport entre évolution et révolution, parce qu'en fait, une très longue évolution, une très longue préparation à cette révolution s'est faite depuis des dizaines d'années en Espagne, c'est-à-dire qu'il y a un travail syndical et politique extrêmement vivant, pas nécessairement dans toute l'Espagne, mais surtout dans les provinces d'Aragon et de Barcelone, et de Catalogne, et dans les Asturies un petit peu, et dans l'Andalousie, beaucoup moins au centre, dans l'Espagne centrale. Mais bon, il y a tout un travail de préparation qui fait que en 36, quand Franco prend le pouvoir pour attaquer la République social-démocrate qui vient d'arriver, hein, le Front populaire qui vient d'arriver au pouvoir, immédiatement, le syndicat anarcho-syndicaliste de Catalogne a déjà 1 million d'habitants. Et avec 1 million d'habitants, ils se disent, on en profite, c'est le moment, on prend possession de tout l'appareil productif et on se défendra nous-mêmes contre les fascistes. Et donc, ils demandent à la généralité, c'est-à-dire le gouvernement de la province, de leur donner des armes. La généralité refuse, ils disent, pas grave, on ira les prendre nous-mêmes. Et ils vont les chercher. Bon, ils seront toujours en infériorité d'armes très très grave, c'est ça qui va les faire échouer d'ailleurs, hein, contre les fascistes. N'empêche qu'ils sont sur deux fronts. Ils sont sur le front militaire, où ils se défendent contre le fascisme, et ils sont sur le front de la production. Et toute la production est reprise donc entièrement en main, donc en autogestion, uniquement par les travailleurs. Et ça fonctionne formidablement. Hein, ça fonctionne très très bien. Donc aussi bien les transports, la production d'alimentation, la production malheureusement de guerre, puisqu'on est obligé de faire des munitions, des armes aussi. Tout ça fonctionne formidablement bien, avec un très grand renfort d'ailleurs des femmes. Les femmes se mettent à la production, c'est ce qui arrive souvent quand les hommes sont au front, mais c'est l'occasion aussi de libération. Hein, se crée un mouvement de femmes libres qui est un mouvement de libération dans tous les domaines, y compris sexuels, etc. Bon. C'est vraiment une révolution complète. Hein. Et les collectivisations se font de manière différente. C'est-à-dire que là où le syndicat est majoritaire, hein, la CNT, donc la Confédération nationale du travail, là où le syndicat est majoritaire, eh bien, tout s'organise sur base syndicale. Mais dans les campagnes notamment, en fait, il y a encore beaucoup de propriétaires, des grands et des petits. Alors les grands propriétaires, on les exproprie sans état d'âme, pas de problème. De toute façon, ils l'ont volé, hein, ce qu'ils ont, donc on peut le prendre. Et les petits propriétaires, c'est plus compliqué parce que il ne faut pas s'en faire des ennemis, les ennemis de la révolution. Donc, on va essayer de les faire accepter la collectivisation pour leur propre bien, c'est-à-dire en leur montrant à quel point c'est utile de, par exemple, partager un tracteur. Il n'y a quasiment pas de tracteur à l'époque. Partager un tracteur à 100 petits propriétaires, ça vaut mieux que de se tuer à la tâche tout seul avec son cheval. Et donc, de cette manière-là, on essaye de rendre la collectivisation désirable. Et pour certains, ça marche. Pour d'autres, bon, il paraît qu'il y a quand même eu un petit peu de contraintes et que ça a un petit peu creusé le fossé entre les révolutionnaires et d'autres qui sont passés, en fait, au fascisme. Aussi sous l'influence de l'Église, qui, en Espagne, maintenait une ignorance crasse, hein, épouvantable, donc aussi sur divers facteurs. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, en 37, il se passe un événement vraiment important, encore une fois, pour l'histoire de l'anarchisme et pour ses relations avec le marxisme, c'est qu'il se passe que le Parti communiste espagnol, qui était deux pelés, trois tondus, il y avait quasiment personne dans ce parti au moment du Front populaire, mais reçoit des renforts de Moscou, et en même temps que des renforts, reçoit l'injonction de maîtriser cette révolution spontanée qui échappe à tout contrôle. Donc la maîtriser, la remettre dans les rangs au nom du communisme. Et c'est ce qu'ils entreprennent de faire, et donc par l'intermédiaire de la République, qui est multiple, hein, social-démocrate, communiste, anarchiste, il y a même deux ministres anarchistes dans la République. Bon. Donc par cet intermédiaire, en fait, ils décident de récupérer en fait toutes les milices qui sont spontanées, qui luttent contre le fascisme, et les mettent sous l'armée régulière. Ils interdisent le POUM. Alors ça, c'est l'histoire qui est un mouvement trotskiste. C'est l'histoire qu'on a dans le film de Ken Loach, Land and Freedom, hein, qui est vraiment très très fidèle et qui en fait reprend le témoignage de George Orwell. George Orwell, l'auteur notamment de 1984, a écrit un livre magnifique qui s'appelle Hommage à la Catalogne, où il raconte sa propre expérience, parce qu'il était parti, lui, comme volontaire, dans les rangs du POUM, justement, pour se battre contre le fascisme, et il a assisté à ces journées de 1937, où en fait les communistes ont tiré dans le dos des anarchistes, très clairement. Hein. Il y a eu des batailles de rue pour occuper les institutions, certaines institutions, certains points stratégiques dans Barcelone, et oui, les communistes ont tiré sur les anarchistes. Donc au lieu d'être alliés contre le fascisme, ils se sont... tirer l'un sur l'autre. Bon, alors ça, c'est un événement malheureux mais important. Je veux dire, il faut s'en souvenir que quand on a le même ennemi, ça ne suffit pas nécessairement à avoir le même objectif et les mêmes stratégies. Ça ne suffit pas, il faut savoir qui sont ses alliés. Et alors finalement, en 1939, ben, c'est la victoire du fascisme et tout le monde, de toute façon, tout est écrasé, tout le monde est ou bien arrêté, fusillé ou bien exilé. Il y a un énorme exil. Et d'ailleurs, les Espagnols en exil ont énormément participé à la résistance en France et ailleurs en Europe. Mais bon, voilà, ils ne pourront plus jamais rebâtir ni retrouver la force qu'ils avaient à ce moment-là. Voilà, mais je pourrais juste signaler qu'après 1945, il y a quand même encore eu une influence importante de l'anarchisme sur mai 68. C'est du fait que c'était un mouvement de libération multiforme et dans tous les domaines, ça a été assez bien influencé par les anarchistes, aussi par l'intermédiaire de l'international situationniste, qui est proche de l'anarchisme, sans s'en réclamer, ou de socialisme au barbarie, hein, le groupe de Castoriadis, notamment il y avait Castoriadis. Bon. Plus récemment encore, l'anarchisme apparaît en tout cas dans ses pratiques comme revendiqué, réapproprié par les mouvements altermondialistes, par les mouvements pacifistes, par tous ceux qui utilisent l'action directe non violente, par exemple. Ça, c'est vraiment une pratique qu'ils ont récupérée du mouvement anarchiste. Ça a été aussi un mouvement important dans la lutte contre les colonies. Donc au moment de la guerre d'Algérie, par exemple, les premiers réfractaires à la guerre d'Algérie, c'était des anarchistes. Donc il y a toute une dimension pacifiste aussi, qui se retrouve à chaque fois qu'il y a une guerre. Les anarchistes essayent de s'y opposer. Et mais dernièrement encore, il y a eu l'insurrection zapatiste au Mexique, 1994. Le type d'organisation civile que développent les zapatistes est une organisation extrêmement proche de l'anarchisme. Pas tout à fait, hein. Il y a des éléments qui sont divergents, qui sont... Bon. Mais c'est la réalisation la plus proche qui existe actuellement et qui dure depuis 1994. Donc, et qui mérite notre soutien, notre attention, parce qu'elle est constamment menacée. Voilà, donc excusez-moi si j'étais longue, mais voilà, je termine.